بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله عز وجل كي nous a comblé de ces assises à partir de ce moyen de communication. En cette nuit du 22 Rabi Premier en 1441, ce qui correspond au 19 novembre 2019, nous commençons l'étude de cette risala de l'érudit noble cheikh Abdallah al-Bukhari, docteur Abdallah al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, intitulé « Le droit du prophète alayhi salatu wassalam ». Il a dit, habidallahu ta'ala, au début de cette risala, « Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ». وبعد فهذا تفريغ لمحاضرة كنت قد ألقيتها في أحد جوامع مكة المكرمة ضمن سلسلة الحقوق الشرعية التي نظمها القائمون على دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة المكرمة، وكانت بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المحاضرة في 18 من ربيع الثاني في العام 1429. وقد رغب الإخوة في دار أضواء السلف المصرية للطباعة والنشر في طبعها بعد أن فرغوها، فأدنت لهم في ذلك بعد أن راجعتها ووثقتها، فالله أسأل أن ينفعني بها وأن ينفع قارئها وكل من سعى في نشرها، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Et donc, dans le début de cette risala, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a commencé au nom d'Allah le Clément, le Très Miséricordieux. Longe à Allah le souverain du monde, prière et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons. Ceci dit, Cheikh Abdallah, il dit, ceci est la transcription d'une conférence que j'ai donnée dans l'une du mosquée de Mecca, le Mukarrama, lors d'une série de conférences concernant les droits selon la législation, organisée par les responsables du séminaire de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Salafiya à Mecca. Et cette conférence était sous le titre de « Le droit du prophète alayhi salatu wassalam ». Cette conférence a eu lieu le 18 du mois Rabi' Thani en l'an 1429. Et les frères de la maison d'édition Adwa Salaf, l'égyptienne, souhaitaient l'imprimer et la propager après l'avoir transcrite. Et je leur ai autorisé cela après avoir fignolé ce qu'ils ont transcrit. Je demande à Allah qu'il me soit bénéfique, ainsi qu'à celui qui la lira et à celui qui œuvre pour la propager, et qu'il ne raffermisse tous sur l'islam et la sunna, car il est celui qui entend, qui exauce dua. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. يقول حفظ الله بعد خطبة الحاجة فإني أحمد الله إليكم أيها الإخوة الكرام أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك في هذا البلد المبارك، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة إنه سميع مجيب. Après خطبة الحاجة, après le sermon intitulé le serment avant d'entreprendre une affaire, khutbat al-haja, Cheikh Abdallah dit, je vous loue Allah, noble frère, qui nous a destiné cette rencontre dans cet endroit béni, dans ce pays béni. Il parle de la Mecque. Et je demande à Allah qu'il nous fasse profiter de ce que nous disons et entendons et qu'il nous bénisse la vie et les œuvres et le temps et qu'il fasse qu'il soit sincère pour lui. Il est celui qui entend, qui exauce. Il est celui qui entend dua et qui l'exauce. Subhanahu wa ta'ala. والمحاضرة التذكيرية لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا هي بعنوان حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك لدى ذوي العقول والألباب أيها الإخوة الكرام أن الكلام عن الشرفاء والنجباء والفضلاء والعقلاء يأخذ بالألباب ويأسرها فإن الأسماع تتعطر بذكرهم وتشرئب الأعناق إلى سماع سيرهم كيف وإن كان الكلام عن سيد النجباء وإمام الشرفاء عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه إلدي حفظه الله تعالى Et se rappelle dans cette conférence, il est en premier lieu pour moi, puis pour mes frères. Et il a comme titre le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Habidallah, ô noble frère, il n'y a aucun doute chez tous les intelligents et chez tous ceux qui sont doués de raisons saines, que le fait de parler des nobles et des génies et des talentueux et de ceux qui ont du mérite attire les cœurs et emprisonne les esprits. Car le fait d'entendre leur évocation enchante lui et attire vers le fait d'entendre leur biographie et l'esprit est encore plus attentif quand il s'agit du plus noble et du plus talentueux. L'imam des nobles, alayhi salatu wassalam, Muhammad, Ibn Abdillah, prière et salutation de notre souverain sur lui. Muhammad ibn Abdillah qui est la cime de la noblesse, des premiers et des derniers. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Yaqulu al-Shaykh, la shakka anna al-hadith anhu wa an haqqihi وحقوقه كثيرة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم لا أظن أن المقام يفي بها ولكن حسبنا أن نذكر بجملة من الحقوق وكما يقال حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم إلدي حفظه الله تعالى il y a aucun doute que parler de Muhammad عليه الصلاة والسلام que parler du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de son droit et des droits duquel doit s'acquitter la communauté vis-à-vis de ce prophète alayhi salatu wassalam et ces droits sont nombreux et je ne crois pas que le temps d'une conférence sera suffisant pour les citer mais ça ne suffit de rappeler certains de ses droits. Et comme on dit, ça ne suffit du bracelet, ce qui l'entoure du poignet. يقول حفظه الله وليس لمثلي أن يتقدم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام عن هذه الحقوق وإنما هي التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. Il dit حفظه الله تعالى et c'est pas quelqu'un comme moi de se mettre en avant de se mettre au devant le prophète alayhi salatu wassalam pour parler de ses droits. Mais ce n'est qu'un rappel, et le rappel fait du bien aux croyants. يقول حفظه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به وصدقه وعمل بسنته وأطاع أمره ونذيرا لمن كفر به وصد ورد سنته وحاذ عن طريقته. Il dit, حفظه الله تعالى, الله سبحانه وتعالى le préserve et allonge sa vie dans son obéissance. Le prophète, Allah l'a envoyé, le prophète Mohammed a.s., Allah l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes, avertisseur et annonciateur, annonciateur de bonnes nouvelles pour quiconque croirait en lui et le prendrait comme véridique et mettrait en application sa sunna et obéirait à son ordre. Et il est avertisseur pour ceux qui ne croiraient pas en lui et qui se sont détournés de sa voie et qui se sont détournés de son chemin et qui ont dévié de son chemin. يقول حفظه الله أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد كنا على شفا حفرة من النار كدنا أن نقع فيها فنجانا الله بسببه منها. قال الله جل وعز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إيه الذي حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى أنفوي محمد عليه الصلاة والسلام comme clémence pour les mondes pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et il dit, nous étions sur une pente vers le feu de l'enfer et nous avons failli tomber, mais Allah nous a sauvés par le biais de ce prophète, alayhi salatu salam. Et il a cité le verset dans Al-Imran, où la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, « Et cramponnez-vous tous au livre d'Allah » et à la sunna de son prophète alayhi salatu salam, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Vous étiez des ennemis. C'est Allah qui a réconcilié vos cœurs, et puis, par sa grâce, vous êtes devenus des frères, alors que vous étiez au bord d'un abîme, du feu. C'est Allah qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes pour que vous soyez guidés. J'ouvre une parenthèse ici. Avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a réconcilié le cœur de ceux qui étaient des ennemis dans, qui étaient des ennemis. Il n'y a aucun doute qu'il a réuni leur cœur et réconcilié leur cœur avec cette religion qu'il a propagée, qu'il a transmise alayhi salatu salam, avec cette voie sur laquelle il était. C'est cette voie qu'il a propagée, qu'il a qu'il a pris lui et derrière lui ses nobles compagnons d'Allah alayhim, c'est cette voie qui a permis que les cœurs se réconcilient et qu'ils deviennent des frères alors qu'auparavant ils étaient de grands ennemis. Quand on sait qu'il y a eu des guerres pendant plus d'un siècle, 120 ans, où le Khazraj et l'Aous se faisaient la guerre et tout ceci a été effacé avec l'arrivée de ce message alayhi salatu salam et avec le message qu'il a transmis alayhi salatu salam. Et donc, si nous voulons être comme eux, nous devons prendre le même chemin qu'ils avaient pris, ridwanullahi alayhim. Nous devons s'unir sur cette voie sur laquelle était le message alayhi salatu salam. Et ses compagnons d'Allah alayhim. C'est ça qui va faire notre force et notre réconciliation. Et revenons au texte de Cheikh Hafidahullah. يقول هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين نورا فرق الله به بين الحق والباطل، بين الغد والسمين، وبين الظلمة والضياء. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, ce noble prophète, Allah l'a envoyé comme lumière et miséricorde pour le monde. Allah a séparé par le biais de ce prophète le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie, et les ténèbres de la lumière. Et il est dit dans le verset qu'il a cité, Hafidahullah Ta'ala, ici, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit: aux gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous dissimuliez du livre, et passant bien sûr sur d'autres choses, une lumière et un livre explicite. Vous sont certes venus d'Allah, par ceci, Allah guide le chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément, et il les fait diriger vers la lumière par sa grâce, et il les guide vers une voie droite. Le Maïda, la table, versets 16 et 15. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين عند هذه الآية قال في قوله جل وعز قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم يبين به الحق. Et l'imam des exégètes Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah ta'ala a dit dans son exégèse lors de son explication de ce verset, concernant le verset où il est dit « Qad ja'akum nur » une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah, il vise par cette lumière, rahimahullah ta'ala, il vise par cette lumière, c'est-à-dire le verset vise par, Allah subhanahu wa ta'ala vise par cette lumière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par qui, dit l'imam Tabari, rahimahullah, par qui Allah a illuminé la vérité, et par qui il a fait apparaître l'islam, et par qui, par le biais duquel, il a anéanti le polythéisme, et il est une lumière pour quiconque aura cherché à s'éclairer par lui. Et c'est par ce prophète qu'Allah a fait apparaître la vérité. يقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى: لا أقول أيها الإخوة الحياة كانت ظلاما قبل بعثته، لأن هذا لا يكاد يغيب عن أحد، ولا أقول إن الظلم كان منتشرا، لأن هذا لا يجهله أحد، ولا أقول إن الشرك قد اطنب وضرب يمنة ويسرة في الأرض، لأن هذا يعقله كل أحد. Et Cheikh de dire: ô frère, je ne dis pas que la vie était des ténèbres avant l'envoi de ce messager alayhi salatu salam, car ceci tout le monde le sait. Et je ne dis pas que les préjudices étaient propagés, car ceci personne ne l'ignore. Et je ne dis pas que les préjudices, l'injustice étaient propagées, car ceci personne ne l'ignore. Et je ne dis pas que le polythéisme a envahi la terre, car ceci tout un chacun le capte. يقول حفظه الله فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل جاءت معه الحياة وجاء معه النور والهدى جاء معه العدل ومحى الله به الشرك. روى البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. إذنك الشيخ الدي حفظه الله كنت الله أنفوي محمد عليه الصلاة والسلام il est venu avec la vérité et l'anéantissement du faux. Et il est venu accompagné de la vraie vie et de la lumière et de la justice. Allah, par le biais de ce prophète, a effacé le polythéisme. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son authentique que Ata ibn Sa'ib a dit « J'ai rencontré Abdullah ibn al-As et je lui dis « Informe-moi au sujet de la description du prophète alayhi salatu salam dans la Torah. » Pourquoi il a posé cette question? Tout simplement parce que Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, avait connaissance de la Torah, avait une science sur la Torah. Et Abdullah ibn al-As lui a répondu « D'accord ». Et lui a dit, il est certes décrit dans la Torah par certaines de ses caractéristiques citées dans le Coran. Il est décrit dans la Torah par certaines de ses caractéristiques citées dans le Coran. Et le hadith continue, Ya ayyuhan nabiyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، وهو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذنك الحديث continue pour donner les descriptions. Et il est dit, dans ce qu'a cité Amr ibn al-As, il est dit, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur et refuge pour les illettrés. Tu m'as soumis et mon messager, je t'ai nommé le Mutawakkil. Mutawakkil, c'est celui qui place sa confiance en Allah et son remet entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada al-Mutawakkil. Et il continue, Amr ibn al-As, il continue de dire, « Il n'est ni dur, ni rude, ni crieur dans les marchés. Il ne répond pas au mal par le mal, mais il est indulgent et pardonne, et Allah ne prendra pas son âme avant qu'il n'ait, par son biais, redressé la communauté déviante en disant « La ilaha illallah ». Et par la parole du monothéisme, il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. Ça, là se termine le hadith du Bukhari, rahimahullah, de Ata ibn Sa'ib, qui le rapporte de Ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Hein? Et Cheikh Abdallah, il dit, ça, c'est sa description. C'est-à-dire, ça, c'est la description du prophète, alayhi sallam, chez eux, dans la Torah. Et il est comme il a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Dire, il est comme, hein, la description qu'on a fait à Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré les nobles compagnons, urdallah alayhim. يقول الشيخ عبد الله هذا النبي الكريم أشرقت ببعثته الأرض ضياء وفرحا روى الترمذي في جامعه وقال غريب صحيح وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفن حتى أنكرنا قلوبنا في الهامش ذكر الشيخ قال العلامة الألباني في مختصر الشمائل المحمدية هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. إذنك ترمذي شيخ عبد الله يلدي avec l'envoi de ce prophète عليه الصلاة والسلام la terre s'est illuminée et la terre s'est remplie de joie. Tirmidhi rapporte dans son jami', dans ce hadith authentique, le hadith de Anas, qui a dit le jour de l'arrivée du messager, alayhi salatu wassalam, à Médine, toute chose s'est illumina. Tandis que le jour de sa mort, alayhi salatu wassalam, tout s'y a sombré. Et au moment où nous étions en train d'enterrer le messager, nous avons réprouvé nos cœurs. Et au moment d'enterrer le messager, alayhi salam, nous avons réprouvé nos cœurs. Et comme il est cité en bas de la page, hein, cette expression, nous avons réprouvé nos cœurs, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dit dans Mukhtasar Shama'il Muhammadiyya, dit que cette expression exprime le sentiment de détresse dû à la perte du plus noble messager, alayhi sallatu wassalam, et que c'était un dur moment, à tel point qu'ils réprouvèrent leur propre personne, suite à l'énorme tristesse qui les a envoyés à cause de cette séparation et à cause de l'interruption de la révélation. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة لا شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها رواه البخاري في الصحيح ولهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ذكره صاحب سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله. إيه البخاري أغبحت رحمه الله الحديث دجابر que le prophète عليه الصلاة والسلام se tenait le vendredi pour le serment sur un tronc d'arbre ou un tronc d'un palmier. Hein? C'est-à-dire, il se tenait, il se mettait debout sur une partie d'un tronc d'un palmier ou d'un arbre. Une femme ou un homme parmi l'Ansar, les alliés de Médine, ou les auxiliaires de Médine, les habitants de Médine qui ont accueilli le Muhajiroun. Une femme ou un homme parmi l'Ansar lui dit un jour, est-ce qu'on te fabriquerait pas une chair, c'est-à-dire une chair du serment, un minbar? Il a dit, alayhi salatu wassalam, si vous le souhaitez. Le messager d'Allah leur a répondu, si vous le souhaitez. Ils lui ont fabriqué un minbar. Et lorsque vint le jour du vendredi, le prophète s'est orienté vers le minbar. C'est alors que le tronc du palmier ou de l'arbre poussa un cri comme celui du nouveau-né. Le prophète alayhi salatu wassalam descendit du minbar et serra contre lui le morceau du palmier ou de l'arbre. Et en le serrant, ce tronc d'arbre ou de palmier continue à gémir tel un enfant que l'on est en train de bercer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il pleurait à cause du rappel qu'il entendait. C'est-à-dire à cause du rappel que le prophète alayhi salatu wassalam faisait quand il était debout sur ce tronc d'arbre ou de palmier. C'est pour ça que l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, comme il est rapporté par Dahabi dans Siyar al-Alam Nubala, il a dit, ô musulmans, un morceau de bois soupire par désir de rencontrer le messager d'Allah. Quant à vous, vous deviez encore plus désirer cela. Regardez, j'ouvre une parenthèse, un morceau d'arbre, de bois, un inanimé, quand il a senti que le prophète ne montrait plus sur lui ou qu'il n'est pas sur lui, il a gémi comme un enfant, il a émis des cris d'un nouveau-né. Et regardez, quand le prophète alayhi salam l'a serré, comment il a continué à gémir comme un bébé qu'on est en train de verser. Où sommes-nous dans le suivi de ce message alayhi salam? Où sommes-nous dans le fait de mettre en application sa voix et de se cramponner à sa voix malgré les épreuves qu'on passe? Et ça, c'est une leçon que nous donne un inanimé, un tronc d'arbre ou de palmier. يقول الشيخ حفظه الله هذا النبي العظيم هذا النبي العظيم الذي هذه بعض صفاته الناس أحوج إلى معرفته عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان به وتصديقه في نبوته واتباعه وتعزيره وتوقيره ونصرته أشد من حاجته من الطعام والشراب بل أحوج من حاجته من الهواء الذي يتنفسونه. Et Cheikh de nous dire, حفظه الله تعالى, ce grand prophète dont certaines caractéristiques sont telles que nous les avons citées, les gens ont un grand besoin de le connaître, عليه الصلاة والسلام, de par le fait de croire en ce prophète, عليه الصلاة والسلام, de le prendre comme véridique, et de prendre comme véridique sa prophétie, de le suivre, de le respecter, de faire triompher sa voix, de le défendre et défendre sa religion, et sa sunna, et sa voix. Ce prophète, les gens ont besoin de lui, plus que leurs besoins de la nourriture et de la boisson, plutôt plus que leurs besoins de l'air qu'ils respirent. Et ceci c'est vrai. À quoi ça sert à quelqu'un qui n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas en ce messager alayhi salam, qui ne suit pas, à quoi lui sert la vie? À quoi lui sert ce qu'il mange, ce qu'il boit? À quoi lui sert l'air qu'il respire? Ce qu'a dit cher, c'est une réalité. يقول حفظه الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إيه شيخ دو نودير. Le prophète a ramené et a transmis la voix claire. Sa nuit, cette voix, la nuit et le jour dans cette voix sont identiques. Ne divise de cette voix que quelqu'un qui cherche sa perte. Et il a cité le verset dans la traduction approximative du sens du verset nous a dit ceci. Je vous ai averti d'un feu ardent et fort qui flambe, où brûlera le damné et qui dément, où brûlera le damné celui qui dément le messager et lui tourne le dos. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله والكلام أيها الإخوة الكرام في باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي موضوع محاضرتنا اليوم ملخصها أو جملتها أنها الكلام عن الأصل الثاني من أصول الإسلام والتي ينطق بها العباد دائما وأبدا في قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان لزاما على من نطق بها أن يعرف هذه الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا على عباده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليقوموا بذلك حق القيام اعتقادا وقولا وعملا. اللي حفظه الله تعالى أو فخير parler des droits du prophète عليه الصلاة والسلام qui est le sujet de notre conférence aujourd'hui, en résumé, en général, c'est parler du deuxième fondement parmi les fondements de l'islam que prononcent les soumis à Allah, Azza wa Jal, que prononcent toujours les soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Donc, il incombe à tout un chacun. Il y a tout un chacun qui a prononcé cette attestation de foi, de connaître les droits de ce prophète qu'Allah a fait obligatoire pour s'y soumis, pour les accomplir convenablement au niveau des croyances et au niveau des paroles et au niveau des actes. يقول حفظه الله ومما يؤسف له والأسف شديد أن جمعا من المسلمين تغيب عنهم معرفة هذه الحقوق أو حقائق هذه الحقوق فتراهم على طرفي نقيض بين إفراط وتفريط إما مقصر وإما غال وكلا طرفي قصد الأمور ذميم فالواجب معرفة هذه الحقوق للقيام بها أتم قيام وأكمله. Il dit حفظه الله تعالى et ce qui est regrettable et le regret est énorme et il est grand. Il dit un grand nombre de musulmans ne connaissent pas les droits de ce prophète عليه الصلاة والسلام ou ne connaissent pas la réalité de ces droits. Ils sont dans deux extrêmes. l'exagération ou le laxisme. Et ceci est blâmable. C'est obligatoire de connaître les droits de ce prophète alayhi salatu wassalam et de les accomplir d'une façon convenable. يقول حفظه الله وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كثيرة جدا لكن نتناول جملة منها مما يناسب المقام. Il dit حفظه الله تعالى et les droits du prophète, comme je l'ai dit auparavant, sont nombreux. Nous allons citer ce qui convient à l'occasion. De cette conférence. Et autant et nous allons citer ce que nous permet le temps de citer. Yaqul, sayakunu al-kalam an hadi al-huquq kama yali. Il dit, je vais parler de ces droits ainsi. Je vais parler de ces droits ainsi. Premièrement, le premier droit, awalan al-haqqu al-awwal, al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais parler de ces droits ainsi. Premièrement, je citerai le premier droit qui est le fait de croire en ce prophète alayhi salatu wassalam. Wa yaqul wa hada yashmalu matalib. Al-matlab al-awwal ma'na al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Al-matlab al-thani nawaqid al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Al-matlab al-thalith adillatu wujub al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wasallam min al-kitab wa as-sunnah. Al-matlab al-rabi' 'umum bi'tatihi sallallahu alayhi wasallam ila al-thaqalayn. ومن ذلك اعتقاد إكماله للدين وإتمامه الرسالة على أتم وجه وأكمل بيان. Il dit donc ce premier droit il va être traité ainsi. Il va être traité en quatre points. Le premier droit qui est le fait de croire en le prophète عليه الصلاة والسلام. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire croire en le prophète عليه الصلاة والسلام? Deuxièmement, les annulatifs de la croyance en ce prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, les preuves de l'obligation qu'en quoi il faut croire en ce prophète alayhi salatu wassalam, les preuves du livre et de la sunna. Le quatrième point, l'envoi de ce messager alayhi salatu wassalam, il est général, il est pour les deux mondes. Et il englobe le fait de croire comme quoi il a parachevé la religion. Et qu'il a parachevé son message, alayhi salatu wassalam, et il l'a transmis de la meilleure des façons et de la façon la plus complète, alayhi salatu wassalam. يقول الحق الثاني في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته. Il dit le deuxième droit concernera l'obéissance à son message, alayhi salatu wassalam, et le fait de le suivre. يقول وتحته مطلبان المطلب الأول أدلة وجوب طاعته من الوحيين. المطلب الثاني بعض النقولات عن أئمة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم في محاربة ما يناقض الاتباع. Il dit ce deuxième droit qui concerne l'obéissance et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام sera traité par deux points. Le premier point, les preuves de l'obligation du fait, les preuves de la révélation concernant l'obligation d'obéir à ce prophète alayhi salatu wassalam, les preuves du Coran et de la Sunna. Le deuxième point, certaines paroles des grands imams, des hommes de science parmi salaf concernant le combat qu'ils ont mené contre tous ceux qui n'étaient pas dans le suivi de ce messager, alayhi salatu wassalam. Et contre tous ceux qui était en divergence avec la voix de ce messager alayhi salatu wassalam. يقول الحق الثالث محبته صلى الله عليه وسلم واقسام الناس فيها وبعض علامات محبته. Il dit quant au troisième droit, c'est l'amour dû à ce prophète alayhi salatu wassalam et les catégories de gens concernant l'amour du messager alayhi salatu wassalam et certains signes qui prouvent l'amour de ce prophète alayhi salatu wassalam. يقول الحق الرابع وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وتعزيره ونصرته. Il dit le quatrième droit, c'est l'obligation de le respecter, de le faire triompher, de le défendre. Et ce quatrième droit englobera quatre points. يقول وفيه مطالب المطلب الأول معنى التعزير ومعنى التوقير. المطلب الثاني مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه في حياته. المطلب الثالث تعظيم الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. المطلب الرابع صور من اتباع وتوقير الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم خاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. Il dit ce quatrième point qui est l'obligation de le respecter, de le défendre et de défendre sa sunna, etc., il sera traité par quatre points. Le premier, qu'est-ce que ça veut dire, le respecter et le faire triompher et le défendre? Le deuxième point, l'aspect, les aspects de respect de ce messager, alayhi salatu wassalam. Le troisième point, l'importance que donne la communauté, que doit donner la communauté à ce prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. Le quatrième point, certains aspects du suivi et du respect des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les ont suivis parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il terminera par une conclusion. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala termine notre vie dans le bien. Et inshallah, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.